Difficile d'aimer ce que on connaît peu ou pas. Si je demandais qui parmi vous aime beaucoup, beaucoup saint Thomas d'Aquin, bon, je pense que deux, trois lèveraient la main, peut-être 10 même, mais plusieurs autres lèveraient peut-être pas beaucoup la main. Saint Thomas d'Aquin, justement, dit: plus on connaît un bien comme bien, plus notre volonté se portera vers lui. Donc, j'ai pensé aujourd'hui, puisque on veut souligner la fête de Saint Thomas d'Aquin, j'ai pensé de vous permettre de le connaître un petit peu plus, afin que vous l'aimiez plus et afin que vous fassiez plus équipe avec lui, que vous demandiez plus de grâce. Parce qu'un saint patron, c'est quelqu'un qui est spécialement là pour nous aider. Et par la providence de Dieu, notre paroisse, eh bien, celui que l'Église nous a donné pour nous protéger, pour travailler avec nous, même en 2016, eh bien, c'est saint Thomas d'Aquin. Donc, mieux vaut apprendre qui est notre. Alors, petit quiz. De quelle nationalité Thomas d'Aquin? Donc, les 10 qui aiment beaucoup, beaucoup Thomas d'Aquin, vous parlez pas. Il était A, allemand, B, français, C, italien, D, chinois. Français, italien, chinois, non? En fait, il était italien. Donc, quand on pense à Saint Thomas d'Aquin, on peut, pour le retenir, le penser à la pizza, aux spaghettis, donc et à toute la bonne cuisine de l'Italie du Sud. Petite anecdote, d'ailleurs, on disait que Saint Thomas aimait bien manger. Donc, Saint Thomas d'Aquin, un Italien. Alors, à quelle période a vécu Saint Thomas d'Aquin? A. Dans l'Antiquité chrétienne, B, au Moyen Âge, C, à la Renaissance, autour du XVIIe siècle. Renaissance, B, au Moyen Âge. Bonne réponse. Donc, il a vécu, si je me souviens bien, autour de 1225, il est mort en 1274. Donc, troisième question. Comment a-t-il rayonné dans sa vie de sainteté? A. Il a été un prêtre missionnaire qui a fondé de nombreuses paroisses. B. Il s'est beaucoup dédié aux malades et aux pauvres. C. Il était professeur d'université. D. Aucune de ces réponses. C. Alors, effectivement, déjà au Moyen Âge, il a été professeur et professeur d'université. C'était la période de la naissance des universités. D'ailleurs, je pense, je n'ai pas fait de recherche historique là, mais je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle il a été choisi comme saint patron de cette paroisse. Vous savez que la paroisse a été construite il y a 60 ans et juste à côté de l'université, qui était elle-même en pleine ébullition. Et donc, probablement que saint Thomas d'Aquin a été choisi à cause de ce lien tout proche. On se disait, ben, probablement que dans le secteur, il y aura des universitaires. Ils sont pas tout à fait trompés. D'ailleurs, saint Thomas d'Aquin est le saint patron des universités. Donc, quelqu'un qu'on peut prier, à la fois si on est professeur ou même si on est étudiant. Et d'ailleurs, saint Thomas d'Aquin, j'ai placé à l'arrière, là, pour ceux qui veulent, il y a une petite lettre intéressante, il donne des conseils pour l'étude. Et même, il y a aussi une belle prière pour l'étude. Donc, je vous lis la prière, là, une belle petite prière toute courte. Ceux qui la voudront, il y en a derrière. Créateur ineffable, vous êtes la vraie source de la lumière et de la sagesse. daignez répandre votre clarté sur l'obscurité de mon intelligence. Chassez de moi les ténèbres du péché et de l'ignorance. Parce que l'une des choses qui nuit à notre connaissance, c'est pas juste notre ignorance, comme saint Thomas souligne, c'est aussi notre péché. Notre péché fait un obstacle à notre intelligence et nous aveugle souvent. Alors, je continue la prière. Il dit, « Donnez-moi la pénétration pour comprendre, la mémoire pour lire, donnez-moi la méthode et la fidélité pour apprendre, donnez-moi la lucidité pour prétendre. » Dans des disciplines, on a des données, mais il faut encore les interpréter avec justesse. Donnez-moi abondante pour l'esprit, parce qu'il faut aussi redonner ce qu'on reçoit. D'ailleurs, je fais ici une brève parenthèse. Saint Thomas d'Aquin a laissé une devise chez les Dominicains, qui est devenue un peu connue, là. Contempler, livrer aux autres le fruit de la contemplation. Saint Thomas dit, c'est bien de connaître, mais c'est encore mieux connaître et de transmettre. Il prend une image avec une lumière, il dit, brille, ou quelque chose, un objet brille, mais c'est encore mieux pour un objet de briller et d'éclairer d'autres objets. Donc, il demande aussi une grâce abondante pour s'exprimer. Petit paragraphe qui est très intéressant aussi de sa prière pour les aider le commencement de mon travail. Parce que, d'après ce que j'ai compris, les étudiants aiment bien reporter le commencement de leur travail. Les débuts de session, tout est cool. Pas besoin de commencer les lectures, les travaux sont plus tard. Commencer le travail d'équipe, on a encore du temps. Ce qu'on appelle la fameuse procrastination. Hein? Donc, mais saint Thomas demande une grâce juste. Aider le commencement de mon travail. Quand c'est le temps de commencer, ben go, commence. Ensuite, il dit, disant le progrès, parce qu'il faut que ça avance malgré tout. Et enfin, couronnez-en la fin. Parce que souvent, très souvent, on commence des choses, on commence des lectures, on commence des études, mais on ne termine pas, malheureusement. On n'a pas la grâce de la persévérance. Donc, et tout ce Thomas d'Aquin le demande par Jésus-Christ, notre Seigneur. J'ai laissé de cette prière arrière une vingtaine à vie aux intérêts. Et il y a une autre petite feuille. Vers, il donne des conseils pour l'étude, donc très intéressant aussi. Il invite entre autres à commencer par les petites rivières avant de se lancer dans les grandes mers. Ça vaut pour la connaissance aussi. Apprendre modeste, à pas se précipiter trop vite dans les mers qui nous dépassent. D'ailleurs, une petite question en parlant de... Oui. Quelle est l'une des rues du quartier qui porte le nom d'une œuvre, ou en tout cas un nom en lien avec Saint-Pierre? La rue de la Somme, je ne sais pas si vous êtes déjà passé sur la petite rue de la Somme, c'est la rue juste derrière, qui relie la rue Miran jusqu'à la rue Parasie, puis l'autre à côté, là. C'est la rue de la Somme. Eh bien, la Somme, c'est une œuvre de saint Thomas d'Aquin qui s'appelle, en fait, la Somme théologique. C'est un peu une méga synthèse de la foi chrétienne, d'une réflexion qu'il a faite sur plusieurs années, et qui est encore très étudié et très cité de nos jours. Même le pape François, dans sa dernière lettre, a cité de beaux passages de cette somme théologique. Je vous en cite un ou l'autre, là. Entre autres, il dit, l'élément principal, ici c'est Thomas d'Aquin qui parle, mais cité par notre pape François, l'élément principal de la loi nouvelle, c'est la grâce de l'Esprit-Saint. Grâce qui s'exprime dans la foi agissant par la charité. Ici, Thomas d'Aquin, question, c'est qu'on avait reçu la loi dans l'Ancien Testament, le Décalogue, mais il y a quelque chose de radicalement et fondamentalement nouveau avec Jésus. Il y a encore une loi, mais c'est une loi nouvelle et l'élément principal de cette loi nouvelle, c'est la vie dans l'Esprit-Saint. C'est saint Thomas d'Aquin déjà qui le dit, mais avant lui, saint Paul le disait, évidemment. Donc, l'élément principal de la loi nouvelle, c'est la grâce de l'Esprit Saint, grâce qui s'exprime dans la foi, mais la foi qui n'est pas morte. Hein, Saint Jacques qui dira « Montre-moi donc ta foi qui n'agit pas. Moi, c'est par mes œuvres que je vais te montrer ma foi. » Ici, il dit qu'il s'exprime dans la foi agissant par la charité. Donc, le pape cite encore une fois saint Thomas d'Aquin pour dire qu'il y a une hiérarchie des vertus. Il y a différentes vertus, vous connaissez, vous avez peut-être déjà entendu parler des vertus cardinales, hein, la prudence, la justice, la tempérance, la force. Il y a aussi des vertus théologales, c'est-à-dire des vertus qui ont pour objet Dieu, mais aussi qui nous mettent en relation avec Dieu, mais aussi des vertus qui nous sont infuses par Dieu. Alors que les autres que j'avais nommées, là, les quatre premières, c'est plus des vertus naturelles, humaines. Eh bien, ces vertus théologales, il y en a trois. Saint Paul y a fait une petite allusion dans la lecture qu'on a entendue, la deuxième lecture. Vous les connaissez, ces trois vertus qui nous mettent directement en relation avec Dieu? La foi, l'espérance, la charité. Saint Paul nous a dit, les trois sont belles, mais il y en a une plus grande. Laquelle? La charité. Pourquoi Saint Paul nous dit? Parce que elle va demeurer. La foi et l'espérance vont disparaître. C'est terrible, ça? La foi va disparaître. Aïe, aïe, aïe. L'espérance va disparaître. Ouf! Ça va être la catastrophe. Mais non. Parce que lorsque la foi va disparaître ou l'espérance va disparaître, parce que, vous savez, c'est une connaissance indirecte. Je n'ai pas vu quand on me parle, mais je crois la personne qui me le dit. Mais un jour, on n'aura plus besoin de la foi pour entendre parler de Dieu. Directement, on les verra. On sera dans la vision directe. Donc, on n'aura plus besoin de l'intermédiaire de la foi. Pareil pour l'espérance. L'espérance, c'est espérer que pas encore. Mais à partir du moment où j'ai le bien, j'ai plus besoin d'espérer, je l'ai. Donc, c'est pour ça que la foi et l'espérance, un jour, vont disparaître. Mais la charité, il faut qu'elle soit là avant, pendant, mais aussi toujours. La charité nous permet, nous fait aimer le bien. Aimer le bien même s'il n'est pas encore là, mais aimer le bien même quand il est là, et surtout quand il est là. Donc, la charité est plus grande. Mais aussi, donc, le Saint-Père, il dit, parmi toutes les vertus, la plus grande, on pourrait dire c'est la charité, mais le Saint-Père utilise aussi l'expression, c'est la miséricorde. Il cite d'autres phrases là, de Thomas d'Aquin. Donc, il montre que il y a des choses plus importantes que d'autres. Et c'est assez important, saint Thomas d'Aquin, sont vus quoi? Cela même davantage. C'est-à-dire qu'il faut chercher encore plus le but que ce qui est plus de l'ordre des moyens. Je vais vous donner un exemple. L'argent, c'est un moyen ou une fin? Bon, c'est un moyen. Il y a des biens, saint Thomas dit, plus un bien est plus proche de la fin, de notre bonheur, plus il faut l'aurait davantage qu'un autre. Je vous raconte un petit exemple juste pour illustrer ce point-là. Là. Récemment, et bien, pas si longtemps, un jeune papa de famille qui est dans sa belle vie professionnelle, jeune professionnel, comptait qu'il a eu l'occasion d'avoir une belle promotion dans avec son entreprise. Une promotion qu'il n'y a pas souvent, les portes s'ouvrent très rarement pour ce genre de promotion, et il était l'une des trois personnes sur les 300-400 de l'entreprise qui pouvait postuler sur ce poste parce qu'il était une des trois rares à avoir les compétences pour le faire. C'était comme le bon timing pour lui. On lui a proposé de postuler. Il a réfléchi et il a entre autres réfléchi à ce qu'il avait vu durant l'été. Et durant cette année-là, il me disait qu'il a vu plusieurs de ses couples amis éclater. des gens qui étaient ensemble depuis plusieurs années, même qui avaient des enfants, et pouf, ça l'a volé en éclats. Et il a avoué que ça l'a troublé. Il s'est aperçu, waouh, des gens que j'aime, leur famille a éclaté. Et puis en réfléchissant, mais il s'est dit, ben, c'est pas si étonnant, les équilibres familiaux sont très fragiles. Un travail, l'autre aussi, la garderie, il faut aller chercher les enfants, etc. On fait de l'over, il faut travailler plus, on a des grosses dépenses, les maisons, il faut travailler plus, etc. Finalement, il s'est dit, ouais, qu'est-ce qui est plus important? Ma promotion ou ma famille? Il dit, moi, je me suis marié, j'ai des beaux enfants. Il dit, c'est pas pour faire voler ça en éclats d'ici 2 ans. Cette promotion serait super, j'aurais une augmentation de salaire. Je serais super bien vu par mes collègues, mon entourage. Mais ça supposerait de faire de grands sacrifices. Il faudrait que je me déplace de plus en plus dans le pays, que je sois absent des fois des semaines entières, que je fasse souvent de l'over, alors que notre équilibre familial est déjà comme ça. Donc il s'est dit, non merci pour la promotion, elle est super, mais il y a autre chose de plus important. Il a su faire ce choix de ses collègues. Ils disaient, mais qu'est-ce que tu fais? Tu laisses passer, c'est une occasion rêvée. Ça passe une fois comme ça, des occasions dans une vie professionnelle. Mais il dit, ouais, mais ma famille, ça n'a pas de prix. Et il a bien compris que l'union familiale, la charité, est beaucoup plus importante qu'une paye plus grande ou un prestige plus grand. Donc, il a su faire, il a su appliquer dans sa vie le petit principe que saint Thomas mentionne. Ce en vue de quoi? Cela même davantage. Je dois protéger, chercher encore plus ce qui est plus précieux. Je dois me battre même pour le maintenir, ce qui est plus précieux. Demandons la grâce, la clarté de vision plus importante pour nous. J'ai encore bien des affaires à vous dire sur saint Thomas, mais je vous termine en disant un autre petit point là. Saint Thomas d'Aquin aimait beaucoup l'Eucharistie. Et vous savez, c'est à sa période qu'a existé une autre sainte, vous ne la connaissez peut-être pas, Sainte Julienne du Mont Corignon. Vous avez déjà entendu ce nom-là. Donc, Sainte Julienne du Mont Corignon. Et elle a eu des apparitions du Saint-Jésus demandant que soit instituée la fête du Très-Saint-Sacrement. Que Jésus, vous savez, avant ici la messe, là, certains ont réalisé, mais des fois, il y a de l'adoration. Et certains se sont peut-être demandé, mais c'est cool, tout est paisible dans l'Église, mais qu'est-ce que le monde font, en fait? Eh bien, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de l'adoration. Qu'est-ce qu'ils adorent? Ils adorent Dieu présent dans le Créé, qu'on reçoit à la messe, on en consomme, puis ça nous transforme, ça nous divinise, mais aussi, on peut se placer devant le Seigneur. Il y a des apparences cachées, mais on se place devant ce Jésus qui a dit « Ceci est mon corps ». Et donc, saint Thomas d'Aquin a été demandé par l'époque, c'était Urbain IV, pour composer des hymnes. Des hymnes. Alors, je vous pose une petite question. Parmi les hymnes suivantes, lesquels ont été composés par saint Thomas d'Aquin? Le Salve Regina, le Adore Devote, le Pange Lingua ou le Pange. Lequel? Adore Devote, Pange Lingua, Paternoster. Paternoster, en passant, c'est le Notre Père. Ça, c'est Jésus. Bon, je mets des questions pour voir si... Bon. Dans le Paternoster qu'il a composé, en fait, il en a composé plusieurs, mais entre autres, il y en a deux qu'il a composé. Il a composé à la fois le Pange Lingua, et c'est dans le Pange Lingua qu'on retrouve le fameux Tantum Ergo. Tantum Ergo Sacramentum. Donc, cette belle hymne très classique, c'est Thomas d'Aquin qui l'a composé. Adoro te devote. Donc, bref, on peut demander à saint Thomas un plus grand amour de Jésus dans l'Eucharistie. Je vais terminer en lisant justement cette belle hymne de Thomas d'Aquin à Jésus Eucharistie. Je t'adore du fond du cœur, Dieu caché, qui sous ses apparences vraiment prend corps. À toi mon cœur tout entier se soumet, parce qu'à te contempler tout entier, il s'abandonne. La vue, le goût, le toucher, en toi font ici défaut, mais t'écouter seulement la certitude de foi. Je crois tout ce qu'a dit le Fils de Dieu, il n'est rien de plus vrai, cette parole de vérité. Sur la croix se cachait ta seule divinité, mais ici, en même temps, se cache aussi ton humanité. Toutes les deux, cependant, je les crois et les confesse. Je demande ce qu'a demandé le larron pénitent. Tes plaies, tel Thomas, moi, je ne les vois pas. Mon Dieu, cependant, tu l'es, je le confesse. Fais que toujours davantage en toi je crois. Je place mon espérance et je t'aime. Ô mémorial de la mort du Seigneur, pain vivant qui procure la vie à l'homme, procure à mon esprit de vivre et de toujours savourer ta douceur. Pieux pélican, Jésus mon sauveur, moi qui suis impur, purifie-moi par ton sang, dont une seule goutte aurait suffi à sauver le monde entier de toute faute. Jésus, que sous un voile à présent je regarde, je t'en prie que se réalise ce dont j'ai tant soif, de contempler la face dévoilée, que je sois bienheureux à la vue de ta gloire. Amen.